Allez, on accueille maintenant Marie Hachette pour le très quotidien meilleur horoscope de ta vie. Et ben, jingle. Aujourd'hui, vendredi 18 avril 2020. 19 avril. Aujourd'hui, vendredi 19 avril 2024. Cinquième jour de la 16e semaine de l'année et cinquième jour du meilleur horoscope de ta vie, l'horoscope au cœur de tes préoccupations, la réponse à toutes tes questions. Aujourd'hui, c'est la Saint-Emma. Alors, 1, 2, 3. Bonne fête, Emma! On rallume les micros et on refait. 1, 2, 3. Bonne fête, Emma! Et à toutes les Emmas. Merci, papa. Emma merci est un prénom maman. Qui vient de Immanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Donc, c'est pas mal. Tout simplement, Dieu est avec nous. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Charles Darwin, de Richard Anthony, de Gabrielle Vachette et de Gabriella Zalapi. Alors, je leur souhaite à tous ces gens un très bon anniversaire. Ouais, une petite pensée pour toi. Et aujourd'hui, c'est aussi une journée particulière. Aujourd'hui, c'est aussi le jour de la découverte du LSD, le 19 avril 1943, par Albert Hofmann, célèbre chimiste balois. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on est une chronique un peu déchronisée, je sais pas comment on dit. Mais on continue avec une petite question. Est-ce que vous connaissez le lien entre Marie Janson et Marcel Proust ? Eh ben, c'est qu'ils sont tous les deux du même signe, ils sont cancer. Alors, Cancer, que va-t-il se passer pour toi aujourd'hui ? Eh ben, l'ambiance astrale est plutôt sympa. Quelque chose de sud-américain sonne en toi. Il y a un contraste entre énergie et émotion qui met en lumière tes relations. La priorité pour éviter les tensions, c'est la communication. Jupiter est là pour te montrer le chemin. Le premier quartier de lune en phase montante est indiqué pour trouver l'énergie nécessaire à un grand, grand projet en cours. Il faut poursuivre ses efforts pour que la chance puisse apporter son grain de sel à ce qui a été entrepris. Aujourd'hui, en particulier, si tu es attentif au chant des oiseaux, tu vas pouvoir comprendre ce qu'ils ont à te dire. Et ce qu'ils disent pourrait bien être déterminant pour toi. Ça fait un programme plutôt pas mal pour une journée assez exceptionnelle. Je voudrais terminer en citant une écrivaine qui est quelqu'un d'assez particulier, c'est Virginia Woolf. Elle a été... je crois on peut dire une pionnière et aujourd'hui c'est quelqu'un qui a du souffle, on pourrait dire que son souffle est encore présent aujourd'hui. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Et donc dans son journal, le jeudi 1er mai 1930, elle écrit « Je ne peux pas lire, je ne peux pas écrire et je ne peux pas penser ». J'ai complètement perdu ma matinée. Et en fait, je trouve ça assez beau de noter ça dans son journal parce qu'en fait, dans son processus d'écrivain, voilà, c'est quelqu'un de super important, ces journées perdues, ces moments où on n'y arrive pas, ça fait partie du processus qui fait que finalement on y arrive. Merci beaucoup et à dimanche. Yes, merci. Merci, merci beaucoup. Merci Marie. J'ai pas pu mettre faire une remontée comme ça de jingle parce que tout à coup, ça c'est fini hein. Un peu avant. Bah voilà, c'est la faute parfois, on n'y arrive pas non plus. Hein. Voilà, ouais, c'est ça. C'est mais quand on n'y arrive pas, on peut toujours écouter Radiozine en matinée. Est-ce qu'on a déjà perdu mal, notre matinée? Mais non, elle n'est pas perdue. Non, elle est juste là devant toi. Peut-être c'est perdu. C'est Marion, tu dis? Non, la matinée. Ah oui, la matinée. Moi, je crois qu'elle est juste derrière parce que tu vois, 11h35. Bref. Ah oui.